mes soucis. Et devinez pourquoi mes yeux brillent. Tout va bien. Je vois toutes les choses en rose. Je chante et je ne fais rien d'autre. Et puis dans un peu moins d'une heure, j'irai me noyer dans ses yeux. L'amour est sur mon chemin, et ce chemin ira loin. Si nous y marchons tous les deux, tout va bien. Tout va bien, je suis heureux. L'amour est sur mon chemin, et ce chemin ira loin. Si nous y marchons tous les deux, tout va bien. Aujourd'hui je veux l'aimer.